Bonjour, aujourd'hui je vous parle du dévouement. Le bonheur est un sous-produit de l'amour et du dévouement pour notre prochain. Le dévouement est la loi de notre propre vie. Du bien que l'on fait aux autres dépend notre propre bien-être. Un homme égoïste agit contre la loi de son propre bonheur. L'égoïsme est contre nature. Jouer un rôle positif dans la vie de ceux qui nous entourent, être utile à l'établissement et au développement d'une bonne cause, remplira votre vie d'un sentiment agréable de plénitude, d'un sentiment d'accomplissement. L'un des secrets de la vie abondante, c'est de donner. Quand nous donnons abondamment, nous vivons abondamment. Un auteur anonyme a écrit « Donnez et continuez à donner de l'amour, de l'aide, de la compréhension, de la sympathie, votre argent et votre temps, alors vous vivrez abondamment. » Léon Tolstoï a écrit « La seule chose qui ait du sens dans cette vie est de contribuer à l'établissement du royaume de Dieu. » Et ça, mes amis, c'est en faisant du bien qu'on l'établit. Et la meilleure façon d'être utile à ses semblables sur la terre est encore de répandre la foi au Christ. Le père Cossette a écrit « Rendre Dieu aux esprits qui en sont déshérités est la plus belle au monde que l'homme puisse faire à ses semblables. » Jésus rachète les pécheurs pour en faire à leur tour des racheteurs. Le nouveau chrétien rachète ses mauvaises actions passées en les remplaçant maintenant par des bonnes. En l'Évangile de Luc, chapitre 19, il est écrit « Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Ceux qui vous disent que l'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres m'expliquent pourquoi le Seigneur a menti à Zachée ici. Non, mes amis, quand Jésus a vu quel fruit Zachée était prêt à porter, il a vu que sa foi était vivante et donc salvatrice. Ceux qui croient être sauvés uniquement en lisant la Bible ou en allant à l'église le dimanche ont une foi morte. Ils vivent dans l'illusion du salut. Quand le Christ entre dans une vie, c'est pour la restaurer d'abord et ensuite lui donner un emploi dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui remplira votre vie et vous rendra heureux. Alors laissez Jésus racheter vos péchés, laver votre ancienne vie. Après avoir fait ce premier pas de foi, poursuivez votre démarche, n'arrêtez pas là. Fixez-vous comme but de découvrir les dons que le Christ a placés en vous et agissez. Faire au moins une bonne action par jour, simplement donner une bonne parole peut-être à quelqu'un. Chaque chrétien a en lui quelque chose que le Christ lui demande de donner. L'apôtre Paul, dans son épître à Tite, chapitre 2, a écrit « Notre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » En son épître aux Romains, chapitre 6, il écrit « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donnez à votre vie la direction du bien, mes amis. Ce sont les plus petits gestes de bonté qui nous procurent le plus de joie dans la vie. » J'aimerais simplement terminer par une parole qui a été prononcée par Saint François d'Assise il y a plus de 800 ans maintenant. Si j'aidais seulement un oisillon à regagner son nid durant ma vie, je n'aurais pas vécu en vain. Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Seigneur, je suis fatigué de ma vie vide, tiède et sans but. Je veux donner un sens à ma vie. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et je m'engage moyennant ta grâce et les dons que tu me donneras à te servir et à servir mon prochain avec dévouement. Je scellerai ainsi mon salut et à l'heure de la mort, je n'aurai pas à rougir d'avoir les mains vides. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.